Vous êtes pas un peu surmené en ce moment? Ça risque pas, je suis chômeur. Vous avez bien de la veine. Croyez pas ça. Y'a rien de plus crevant que de se tourner les pouces. A chaque fois je me dis stop, mais c'est terrible, j'ai tout raté, je dérive. Je vais me chercher un CDI plutôt que gratter des rimes, la vie m'a consumé. Je suis jamais à court de cristal, même une voyante verrait pas mon avenir dans sa boule de cristal. Si maintenant je décris ça, c'est pour dire que j'ai rien à perdre. Moi je suis comme un rongeur, j'habite un trou à rat et j'esquive les tapettes. Y'a jamais de bonnes nouvelles, faut que j'achève le facteur. Dans ce monde, si tu veux faire du blé, soit t'es braqueur, soit t'achètes un tracteur. Je trouve pas le sommeil parce que j'ai des remords et que je fais la fête. Et que dans mon crâne résonne le tempo de la prod que j'ai fait la veille. Je retranscris sur papier tout ce que je peux endurer. J'accroche à ça comme à la rampe de mes escaliers lorsque je rentre bourré. Tu veux retrouver ton chemin, crois pas que les rues te soutiennent pour se repérer. Le petit pouce laisse des bouts de pain, moi je laisse des culs de bouteille. Bref, voilà le goût amer qu'a gâché mes souvenirs. Viens pas m'appeler mon frère si mes galères sont le cadre de tes soucis. Pour maintenir le vrai rap, c'était déjà mal barré. Si les MC font tous des chansons sur leur mère, ça tient plus la marée. Je prends le large, tel un pirate. Je veux tenir la barre libre, faire surface et pas avoir la fin de Eric Tabarly. Sur mon avenir, je pas le pari, mais le rap, je veux enterrer ça. Je veux me bouger, mais je reste là avec mergré sans toucher le RSA. Quand il s'agit d'avenir, moi je préfère pas parler car les défaites c'est comme du sperme pour une fameuse, c'est dur à avaler. À l'époque du bahut c'était là que t'as rentré parce que les courses c'est de la branlette comme un salon de massage thaïlandais. Le constat va falloir des mouchoirs après voir si je te chante car mes projets c'est comme quand je roule bourré. Arrête moi si je me plante loin du soleil, y'a que le petit ponche qui efface mes tourments. T'es bien naïf si tu crois que chaque au ping pong qu'on voit des tournantes. Certains se croient imbattables alors je défie ces tas de bâtards car vu que je porte le blast d'alcool de pomme de terre, je me dois de mettre la patate. J'suis pas un petit PD qui veut devenir pompe-là au policier. Demain, je veux de l'artiste, je veux le claquer pour ma gueule. Ça va bousculer au portillon. Qu'est-ce que je voudrais faire? C'est avoir du blé ou un truc où tu fais le beau? Un truc où tu gagnes des lobes? Va savoir s'il y a plus moyen de trimer, s'il y a plus de boulot, plus à bouffer. J'enculerai la vie avec la haine dans les yeux. Et comment tu causes, toi, Pinocchio? Ils ont dit que t'as appris à causer comme ça, toi.